l'a recommencé, depuis un mois, et parce qu'elle m'a sauté dessus, tu m'entends, le fameux lundi où je suis revenu à 11h du matin, c'est faux. Tu mens, je ne te crois pas, tu veux des preuves, tu veux des détails, dis, tu veux des détails, dis toujours, elle hausse les épaules, je veux lui faire mal, bon, tu veux savoir, eh bien elle est plus passive qu'active, elle mouille très peu, elle se sert de son pouce pour faire l'amour, dit toujours chérie, chérie deux fois quand elle jouit, et elle a une tache de vin, allongée juste entre les fesses, tu es contente? Aimé ouvre de grands yeux, c'est vrai, Isabelle, celle-ci hoche la tête en silence, jamais je n'aurais pensé qu'un jour je parlerais ainsi d'une femme, voilà, c'est moi, Elula la sublime, vautrée au fond de l'ignoble, du sordide, de la bassesse, c'est moi, j'irai encore plus loin, s'il le fallait, si je pouvais, c'est ma dernière chance, j'abats ma dernière carte, elle sent la pourriture, tant pis, tant mieux, je ne sais plus, Isabelle, j'ai tout gâché, que peux-tu dire d'autre que ce que tu dis, ça ne change rien, nous deux, c'est fini, je reste avec elle, elle se lève, je vais rentrer seule, inutile de me raccompagner, elle saisit le chien Victor qui s'était levé sur ses genoux, se penche vers moi et effleure ma joue, au revoir, au revoir, elle est partie, le bain debout n'a servi à rien, elle est trop têtue, trop orgueilleuse, et me tire sur son éternelle cigarette, le silence, je me dis c'est fini et je n'y crois pas, c'est trop énorme, et alors, me demande-t-elle enfin, pour la boîte, qu'est-ce qu'on fait? Je te rappelle qu'Alice travaille chez nous. Je reviens sur Terre. Ça ne change rien. Tu pourras supporter de la voir là? Me demande-t-elle incrédule. Mais oui, bien sûr. Alice ne le pense pas. Oh, ce qu'elle pense. Veux-tu que je lui écrive un mot? Je ricane. Ce ne sera pas le premier. Et j'écris, Alice. Ce qui se passe dans ma vie privée n'influera pas sur la vie professionnelle au 4. Vous le savez très bien. Vous faites toujours partie du personnel. Elula. Voilà. Aimé tourne et retourne mon billet entre ses doigts. Elula. Il faut que je te dise. Elle ne bouge pas. Fixe le sol obstinément. Isabelle. Et Alice. Quoi encore? Je n'en peux plus. Je ne veux rien entendre de plus. Elles couchent ensemble, depuis Cannes. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Si, elles me l'ont dit. Alice est venue voir Isabelle, plusieurs fois, au mois d'octobre. Je suis au fond du gouffre. Il fait noir. Il fait froid. Mais je veux savoir encore, maintenant, tout. Isabelle et Alice. Mon Isabelle avec Alice. Tout s'éclaire. Les hésitations, les mensonges. Les silences, elle était pire encore que ce que j'imaginais, Alice, la comédienne, j'ai honte, mais j'irai jusqu'au bout, je veux savoir, la première fois, quand, tu le sais, oui, Aimé parle d'une voix presque inaudible, le jour de l'anniversaire d'Alice, mais oui, le jour où je l'ai attendue à la plage, pendant des heures, le jour où elle n'est pas venue, le jour où je brûlais, de soleil et de désir. Gisant sur le sable, le jour où elle m'a fixé ce rendez-vous sans réplique, le jour où Isabelle, libre, pouvait la rejoindre, et le lendemain, ce lendemain où j'ai attendu encore, où Isabelle m'a retrouvé dans ce café sinistre, Isabelle, tu sortais des bras d'Alice, et ta tendresse, ton sourire en me voyant, tu avais honte, ma petite fille, honte de me voir là, toute seule, mais il ne fallait pas, ma douce, il ne fallait pas. C'est moi qui avais passé cet après-midi avec elle, contre son corps, à ta place. Quelle horreur. Quelle grotesque vaudeville. Isabelle, savions-nous que c'était les marques de nos lèvres, les traces de nos mains que nous embrassions en embrassant ce corps nouveau? En somme, nous singions sans le savoir les parties à trois des couples hétéros. Tout aurait été si simple. Je t'aime, tu m'aimes, et nous avons toutes deux envie d'Alice. Pourquoi ne pas se la faire ensemble? C'est bien ça, Isabelle, nous ne voulions que jouer, pimenter un peu notre union, notre couple pourtant heureux. Pourquoi? Pourquoi n'avons-nous pas bu le corps d'Alice comme un simple verre d'eau? Pourquoi me suis-je trompée, empêtrée dans une histoire de cœur, quand il n'y avait qu'une histoire de cul? Coup au sens, coup de soleil. Isabelle, C'est toi que j'aime. Pour Alice, je n'ai que haine et mépris. Je l'avais vue montagne, elle n'était que baudruche vite crevée. D'elle, je ne veux rien garder. Pas la moindre mèche de sa crinière blonde, pas le moindre éclat de ses yeux trop bleus. Mon Isabelle, ma petite fille, mon Isabelle, que j'ai perdue. Je suis élue là. Je vais serrer les dents, réagir, tenir. Il le faut. Je l'ai promis à aimer, je me le suis promis à moi-même. Ce soir, aux quatre, je serai la plus belle, la plus gaie, la plus pétillante. Il ne s'est rien passé. C'est l'heure d'entrer en scène. Pierrot ne pleure que pour Colombine, et Polichinelle cache ses larmes dans sa bosse. Ce soir, plus que jamais, je serai élue là, la seule, la séduisante, l'impératrice. Je soigne mon entrée, robe de parade, visage éclatant, plus de traces de mes larmes. Je le veux et je sais que j'y parviens. Bonsoir, bonsoir. Nous jouons toute la décontraction, et je donne l'exemple. Incident clos, il ne s'est rien passé. Je veux oublier la mise à mort de la veille, dans la rue. Je veux oublier que j'ai étalé ma vie privée sur le trottoir, comme une vulgaire fille publique. J'ai honte pour moi, de moi. Pardon, mes filles. Pardon Marim, Pascal, Momo, que j'ai laissé atterrer, muette. Alice est là, diligente, efficace, elle fait son travail. Je lui dis poliment bonsoir, mais l'embrasser, ça non, je n'y arrive pas. Nous sommes samedi, et comme tous les samedis, la boîte est bondée. Nous n'avons pas le temps de penser, nous sommes toutes à nos postes. Boire, je n'aime pas ça. Alors, pour donner le change, quand arrive Michel, je me fais coquette, enjôleuse. Et Lula la séduisante. Michel est belle, attirante, célibataire, elle réagit vite et très bien à mes avances. Nous dansons tendrement, je lui donne ma bouche. Elle est grande, sportive, sous mes doigts je sens ses muscles fins et tendus. Je la laisse m'envelopper de ses bras, sa chaleur me protège. Ses lèvres sont douces, et ses seins, tout contre moi, coussin de chair velours. Et lui là l'impératrice. J'en rajoute, je m'exhibe, je me donne en spectacle. Je veux gagner contre le sort. Oui, et lui là flirte, ce n'est pas dans ses habitudes. J'entends les chuchotements, je surprends les regards étonnés, et, un éclair métallique, les yeux hostiles, furibonds, d'Alice. Tant mieux, tant mieux. Tout à l'heure, quand elle rentrera auprès de mon Isabelle, qu'elle la prendra dans ses bras, elle lui glissera en lui faisant l'amour. Ton Elula s'est vite consolée. Tu ne lui as pas manqué longtemps. C'est ce que je veux. Puisque tout est fini, je veux aller au bout, brûler les étapes et mes derniers vaisseaux. Personne ne verra ma blessure. Je souris avec trop d'éclat, je ris trop fort, je flirte avec ostentation. Jusqu'au bout. Elula la veuve joyeuse. Michel ne peut passer la nuit avec moi. J'aurais voulu, sans désir, faire l'amour avec elle, m'engloutir dans ses bras, m'enivrer à en mourir de cette autre femme, cet autre corps, cette chaleur inconnue, pour m'y réfugier, tout oublier. Au matin, je suis entrée seule. L'autre est partie rejoindre ma petite fille, quelque part dans la ville. Elles vont dormir ensemble. Et moi, dans mon lit trop grand, je me recroqueville. Isabelle me sourit encore, me provoque sur les murs de la chambre. Je rabats le drap sur ma tête, je veux porter mon deuil. Je jappe doucement, bercé seulement par mes plaintes. 2. C'est dimanche, mon jour de repos, le jour sacré où je me tapis dans ma tanière. Journée bâillée, somnolée, étirée, alangui. La soirée coulait doucement, je pouvais enfin rester à la maison, oublier le cat et faire l'amour, jouir du plaisir de dormir contre la chaleur d'Isabelle, toute la nuit. Ce dimanche, je suis chez moi, seul, avec la télévision. J'ai tout vu, tout regardé, un film, trois films, cinq films, d'une chaîne à l'autre. Même Victor est parti. Isabelle l'a emporté. Je le lui avais offert, chiot malhabile, tenant dans le creux des mains, tremblant et nu. Les soupirs de la petite boule endormie me manquent. Il me reste les poissons dans l'aquarium. Drôle de conversation. Après avoir fixé l'image pendant des heures, jusqu'au dernier générique, jusqu'au brouillage silencieux de l'écran, je n'y tiens plus. Il faut que j'y aille, devant le 4, je rencontre deux copains, entre avec eux, m'installe à leur table. Ce soir, je suis cliente. Champagne. C'est la fête. Oui, c'est la fête, s'ils le veulent. Pourquoi pas? Alice me regarde avec haine, me serre du bout des doigts. Que me veut-elle? Qu'attend-elle de moi? Elle m'a enlevé Isabelle, a gardé sa place au 4. Espère-t-elle me voir mourir là, crever devant elle, assassinée, trahie? Non, elle n'aura pas ce plaisir. Je suis battue, bafouée, blessée à vif. Échec à la reine, échec et mat. Mais je tiendrai. Isabelle, cette Isabelle. Son entrée me donne un coup au cœur. L'espérais-je sans l'attendre? Elle n'est pas maquillée, pâle, les cheveux simplement réunis dans un élastique. Elle porte encore le jean, la chemise blanche qu'elle avait mise hier en me quittant. Jamais ma princesse luxueuse, mon mannequin de magazine, ma biche féminine, ne serait sortie comme ça il y a 2 jours, 2 siècles. Elle s'installe au bar, j'oublie la fête. Mes amis, quelques marches me séparent d'elle. J'y vais. Je m'avance sans armes, sans rancœur, sans haine. Je viens pour un baiser de paix. Je t'ai trompé. Je mérite tout. Je sais. Fous-moi la paix. Elle me repousse brutalement. Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi? Fous-moi la paix, salope. Je m'en vais. Je recule. Je remonte. Je retourne à ma table. On rit. On boit. On parle. Où suis-je? Champagne vite. Mon geste est trop brusque. Ma coupe se brise en un claquement sec. Je saigne. Blessure dérisoire de mon corps. Ma déchirure intérieure suinte. Dans un halo de silhouette que je ne distingue plus. Je descends passer ma main sous l'eau. Aimée, ma sœur, qui a tout vu, tout compris, me rejoint et pense mes doigts tremblants. Devant elle, enfin, j'éclate. Je m'effondre. Pourquoi? Mais pourquoi me traite-t-elle comme ça? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je peux faire? Mais qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle veut? Dis. Ma voix n'est plus que râle et que sanglots. Comme moi. Calme-toi. Rentre. Isabelle ne pensait pas te trouver là. C'est tout. Elle n'a peut-être pas envie de te voir en ce moment. Rentre. Va. Je passerai te voir tout à l'heure, après la fermeture. Je m'enfuis. Comme une voleuse, chassée de ma propre boîte, clandestine. J'ai traversé des ponts, roulé le long de la Seine. Chez moi, je veux aller chez moi. Pourquoi m'a-t-on puni? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je pleure comme une enfant, juste comme une enfant, épuisée. Au bout des larmes, il n'y a que l'attente. Je voudrais t'endormir. 5 heures du matin. Le téléphone. C'est Pascal. Au 4, personne ne comprend. Elle me demande une explication, claire et franche. Alice prétend que je mens. Nous aimerions venir. On ne sait plus où on en est. Je vous attends. Alice et sa haine. Moi, une menteuse. Comment supporter cette scène? Je m'attends au pire et je déteste la violence. Malgré l'heure indue, j'appelle mon ami Sam, lui demande, sans explication, de venir. Il ne me questionne pas, sera là dans 5 minutes. Le pauvre, vite, le garage, la boîte à gants, il est là, mon coffre au trésor, la boîte d'allumettes restée là, depuis l'été où je gardais les pétales du géranium fané, la fleur de papier dérobée à Alice. Voilà mes armes dérisoires. Mes preuves. Mon garde du corps va arriver, je suis prête pour la confrontation, la bouche amère, le cœur secoué. Jamais, jamais de ma vie je n'aurais plongé aussi profond dans les égouts, pataugé dans une eau si sale, remué de telles immondices. Voici Sam, brouillé de sommeil. Je lui explique en 2 mots la situation, pourtant confuse. Il lui m'écoute avec calme, s'installe paisiblement dans un fauteuil. Rassurant, solide. Rien ne semble pouvoir l'ébranler. Je suis là. Je suis toujours là quand tu as besoin de moi, tu le sais bien. Oh Sam, pourquoi est-ce que je n'aime pas les hommes? Pourquoi mon cœur n'a-t-il jamais frémi pour un être comme toi? Franc, droit, tendre, compréhensif. Pourquoi la dernière des laveuses de vaisselle a-t-elle plus de chances de me troubler que le plus beau, le plus intelligent, le plus merveilleux des hommes? Lesbitude. Pour la première fois, Je regrette mon cœur différent, mes amours différentes, ma sexualité différente, mes ouragans tumultueux, mes orages passionnés, mes tempêtes fougueuses, mes plages de tendresse, mes mers de félicité, tout, je donnerais fou contre un mariage prison, un bagne peuplé d'enfants, l'ennui morne pleine d'un quotidien sans surprise, un cœur qui jamais ne s'affole, pour un homme enfin, un homme, doux et calme. Isabelle, Alice, vous avez brisé mon vol, cassé ma course de corsaire, éteint les alizés qui me poussaient. Pauvre dupe, pauvre vieille folle, voilà ce que je suis. Elles sont venues à quatre, Aimé, Alice, Pascal qui l'aime tant, Isabelle, c'est un tribunal. Personne ne manque à l'appel. Trois juges, Aimé, Pascal, Sam. La partie civile, Isabelle, une accusée, une accusatrice. Mais qui est l'accusée, ici? Est-ce Alice, mâchoire serrée, regard dur? Est-ce Lula, blessée, brisée? Isabelle me regarde avec hostilité, le visage buté. Et Lula, la cour, la séance peut s'ouvrir, tout le monde est assis, sauf moi. Alice et Isabelle se tiennent par la main, et cela ne me fait même pas mal, même plus. Aimée parle la première, Alice nie tout ce que tu as affirmé, et Lula, elle dit que tu mens, que tu as inventé des choses qui n'ont jamais eu lieu. Je me tourne vers Alice. Tu prétends qu'il n'y a jamais rien eu entre nous? Bien sûr que non. On n'a jamais couché ensemble. Et d'abord, de quel droit me tutoyez-vous? Alice, pourquoi nier? Isabelle sait tout, et c'est vous qu'elle choisit pourtant. Isabelle intervient avec violence. Je ne te crois pas. Tout ce que tu m'as dit est faux. Je ne te crois pas. Mais les preuves, les détails que tu m'as obligé à te donner, je n'ai pas pu les inventer. Alice m'interrompt. Quelle preuve? Quelle saloperie êtes-vous allée chercher? Isabelle me croit, moi, elle sait que je l'aime, que je l'ai toujours aimée, depuis que je l'ai vue. Vous êtes jalouse, vous ne l'aimez plus, vous me courez après, et vous ne supportez pas qu'elle vous quitte, c'est tout, c'est trop. Je reste la bouche ouverte de stupéfaction, mais je rêve. Vous prétendez vraiment qu'il n'y a rien eu entre nous? Parfaitement, vous mentez, ni à Cannes, ni à Paris, vous mentez. Et le jour où je suis entrée à 11h du matin, vous parlez du jour où vous ne vouliez pas me quitter, où vous m'avez cassé les pieds avec vos déclarations jusqu'à 11h du matin? Je ne peux en croire mes oreilles. Réveille-toi, Lula, c'est un cauchemar. Alice me regarde, son regard si clair, si limpide, de ses yeux si bleus, si transparent, un ange. Je deviens folle. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas être aussi noire. Vous ne devenez pas folle. Vous êtes folle. Vous crevez de dépit de ne pas avoir pu m'avoir. Vous avez tout fait pour ça. Ça oui. D'ailleurs Isabelle le sait depuis longtemps. Je lui ai dit. Isabelle, Isabelle chérie, tu ne peux pas imaginer que j'ai tout inventé, avec tant de détails, ces rendez-vous à Cannes. Et ici, il n'y a jamais eu de rendez-vous. Vous êtes mythomane. Il faut vous faire soigner. Oseriez-vous jurer, jurer sur votre vie, que vous n'avez jamais couché avec moi? Vous avez toujours menti. Vous vous êtes fait votre cinéma pendant tout l'été. Non mais regardez-vous, et regardez Isabelle. J'aurais couché avec elle, et avec vous, vous rêvez. Revenez sur terre. C'est au tour d'Isabelle. Tu voulais me chasser pour lui donner la place, n'est-ce pas? Et Aimé, même Aimé, tu as proposé de l'argent à une fille pour qu'elle te débarrasse d'Isabelle en la séduisant, c'est vraiment dégueulasse. Oh non, pas toi. C'est faux, mais tu ne vas pas croire ça, pas toi, Aimé, pas toi. Je prends ma tête entre mes mains, ferme les yeux, incapable de supporter leur regard hostile. Oui, je deviens folle. Vous me connaissez depuis des années. Vous savez bien que j'ai tous les défauts du monde, mais que je ne mens jamais. Et vous préférez croire cette fille que personne ne connaissait il y a encore 3 mois. Puisque tu prétends avoir couché avec Alice, il faut bien que tu m'aies menti, puisque tu me l'as caché. Mais Isabelle, c'était bien ce dont nous étions convenus, ne jamais nous l'avouer, si nous nous trompions. Aimé cherche à clarifier les choses, se tourne vers Isabelle, et les preuves physiques. Alors, Malice ne lui laisse pas le temps de finir. Oh, rien de plus facile. Elle a dû coucher avec une de mes ex-amies à Cannes pour lui demander des détails physiques sur ma façon de faire l'amour. Elle était tellement folle de moi qu'elle en était capable. Alice se dresse brusquement, les poings levés, prête à bondir sur moi. Sa mère me la retient avec peine. Salope, malade. Vous avez pris vos désirs pour des réalités. Heureusement, Isabelle a enfin compris. Elle vous quitte. Vous avez compris? Elle va vivre avec moi, car moi je l'aime, Isabelle, je vais la rendre heureuse. Vous l'avez exploitée pendant 4 années, mais c'est fini, vous entendez? Espèce de folle, écumante, elle se débat. Moi, je ne bouge pas. Pente lente, dos au mur, les balles me frappent une à une. Ma vie part en lambeaux, tremble et chavire. Assez, qu'on m'exécute enfin. Qu'on en finisse. Dans un dernier sursaut, je sors de ma poche la boîte d'allumettes bosselée et j'en extirpe le papier écorné où elle a dessiné la fleur et Love. Je l'attends à Isabelle. C'est bien ton écriture, Alice, dit-elle. Bien sûr, j'en faisais, du matin au soir, dans ce snack sinistre. Cette folle me l'a volé, c'est tout. Tout ça m'est égal. De toute façon, tu t'es assez moqué de moi. C'est fini. Isabelle est sortie. Elle est partie dans sa chambre, et je l'entends pleurer, de rage, de fatigue, d'énervement. Petite fille, je te connais bien. Je connais le goût et la saveur de chacune de tes larmes. Je regarde mes juges, dans un silence glacé. Pascal contemple obstinément ses chaussures. Aimé fume cigarette sur cigarette, et Sam se tient prêt à me protéger des fureurs d'Alice qui à nouveau écume, vocifère, tempête, hurle, m'insulte. Les mots lui viennent en se bousculant. Gorgone, tu craches des flots de lave et tu racontes comment tu as allons recoucher avec Isabelle. Mon Isabelle qui avait tant insisté ce jour-là pour que je rentre plus tôt me reposer. Tu lui as sauté dessus, dans les toilettes. Sans doute. Elle décrit leur après-midi à Paris. Je comprends enfin pourquoi je n'ai jamais pu la rejoindre, pourquoi je ne la voyais qu'aux 4. Et comme si ce n'était pas assez, elle ricane. Et le jour où vous êtes venu me chercher pour aller faire des courses, où nous avons mis tant de temps à vous rejoindre, que croyez-vous qu'on faisait? Qu'on enfilait des perles. Je suis couverte de crachats. Je voudrais me boucher les oreilles. Je n'ai rien à dire. Rien. Je n'ai jamais rien raconté à personne, même pas aimé. Par amour pour Isabelle, par respect, par délicatesse, pour ne pas lui faire mal, je n'ai pas voulu de complice, de confident. Et me voilà sans témoin. Coincée. Isabelle revient. Je pars. Alice se lève à son tour. Oui, nous partons. La comédie a assez duré. C'est moi qui hurle enfin. J'oublie ma bonne éducation. J'oublie tout. Je veux la tuer, cracher sur ce corps que j'ai tant aimé, la traîner par ses cheveux que j'ai tant caressé. J'ai envie de vomir sur ses yeux si bleus, si clairs. Je la hais. C'est ça. Sortez. Dehors. Je vous chasse. Foutez le camp. Retournez à votre vaisselle. Occupez-vous d'Isabelle. Choyez-la. Gâtez-la. Ramenez-lui des croissants rassis. Mais ne mettez plus les pieds aux 4. Petite merde. Salope. Ordure. Je me fous du 4. Isabelle que vous avez tyrannisée sera enfin heureuse. Nous sommes face à face. Elle me semble étonnamment proche. Peut-être va-t-elle éclater de rire, me dire, tout ça n'est qu'une bonne farce. Et Lula, son regard vacille. Mais non, cette impression n'a duré qu'un éclair. Brisée, effondrée, écrasée, j'ai à peine la force de murmurer. Vous paierez ça un jour. S'il y a une justice, vous le paierez cher. Elles sont dehors, sur le palier, attendant l'ascenseur. Isabelle se dégage avec brusquerie quand Alice lui prend le bras. Laissez-moi tous. Elles entrent dans la cabine. La porte automatique se referme lentement dans un chuintement ouaté. Je l'ai perdue une deuxième fois. Isabelle, ma petite, ma toute petite, reviens, reviens à la maison, dans notre maison. Non, j'ai joué sur 2 tableaux. Et j'ai tout perdu. Je me retourne vers mes juges. Pascal s'apprête à partir. Elle aussi. Vous me croyez, vous, Au moins, vous avez l'air sincère, toutes les deux. Sam, lui, je sais qu'il me croit, que lui ne me prend pas pour une vieille folle mythomane. Il me serre dans ses bras, sans mot dire. Quant à Aimé, elle veut rester. Je préfère être seule. Pour le 4, quoi faire? C'est Noël, et il manquera une personne ce soir. Une fois encore, j'arrangerai tout. Ne t'en fais pas Aimé, j'arrangerai tout. Je trouverai quelqu'un. Ce soir, c'est Noël et la vie du 4 continue. Il est 9h du matin, ce lundi 24 décembre. Sous mes yeux, le porte-billet d'or acheté pour Alice, l'énorme biche de peluche qui devait venir agrandir le zoo de mon Isabelle. Je m'apprêtais à les empaqueter, les enrubanner. Et le sapin, que je n'allumerai pas. Il est 10h, il est 11h, il est midi. Le soir tombe. La nuit vient enfin. Terrassée par la douleur, la fatigue, je ne pleure plus, vidée de mes larmes. Mon cœur est un désert, une terre aride, un fleuve tari. Dans mes veines coule le fiel, dans ma bouche l'amertume, dans mes yeux brûlent des papillons. Ce soir, c'est Noël, et la fête va commencer. En piste, Elula, pour ton numéro. Joyeux Noël, Marim. Joyeux Noël, Elula. 3. Je redoute la solitude du sommeil, je redoute cette place vacante auprès de moi, quand la main qui s'étend ne rencontre pas la chaleur d'un corps de femme. Lorsque je dors seul dans un lit, je m'y glisse clandestinement, défaisant à peine un coin de couverture. Je respecte dans mon sommeil le territoire de l'autre, de celle qui n'est pas là, d'Isabelle qui n'est plus là. L'aube du 25 décembre m'a pourtant vu dormir. Après une nuit de représentation où j'ai travaillé, poignard au cœur, poursuivi par le regard lourd de mes filles, je suis venu m'effondrer sur mon lit. Caché par le sommeil, ma douleur s'est reposée. C'est à nouveau Aimé qui m'a réveillé avec du café chaud et des pains au raisin. Tu sais, Isabelle est chez moi. Je sursaute. Quoi? Tu les as prises chez toi? Mais non, bien sûr, voyons. Elle est seule. Elle veut être seule. Elle est malade. Je suppose qu'elle ne veut pas me voir. Je crois. Oui. Elle est tellement montée contre toi qu'il vaut mieux. Votre explication, ça n'a servi à rien. Elle l'a braqué un peu plus. Il aurait mieux valu la laisser vivre sa passion avec Alice. Tu connais Isabelle. Au bout d'une semaine de chambre d'hôtel, elle serait revenue. Oui. Parce qu'on est mieux dans un 4 étoiles. Si ce n'est que pour cette raison-là. Aimé hausse les épaules. Tu sais bien que non et qu'elle t'aimait. Si elle n'est pas avec l'autre, je peux encore espérer. Je vais essayer. Je veux jouer toutes mes cartes. Je sors d'un placard le gros carton qui contient la biche. Tiens, tu veux bien lui donner ça? C'était un de ses cadeaux de Noël. Elle va peut-être me l'envoyer dans la figure. Ça ne te fera pas trop mal. C'est un animal en peluche. Elle en avait envie depuis longtemps. Aimé part, le carton sous le bras. Sur le pas de la porte, elle se retourne. Tu ne m'en veux pas de l'avoir recueillie chez moi? Bien sûr que non. Si je la savais avec l'autre, ce serait affreux. Mais la savoir chez toi, si près, j'ai l'impression que tout n'est pas perdu. Aimé s'en va. Aimé que j'ai quitté pour Isabelle, il y a 4 ans. Comme le temps, la biche. Elle l'a regardé et a dit simplement, « Tiens, mon premier cadeau venait de la même boutique. » C'était un gros poussin jaune tendre que je lui avais apporté après notre première rencontre. Tant, dans son ciré jaune criard au drugstore, elle m'avait semblé poussin fragile, duveteux, à peine sorti de l'œuf, tendre, attendrissant. Tant j'avais eu envie de l'enclore dans mes deux mains jointes, comme fait un enfant d'un poussin palpitant qu'il vient d'attraper. Le téléphone, c'est elle. Sa petite voix haute et claire qui me bouleverse et m'attendrit. C'est moi. Oui, si tu vas chez ton coiffeur, il y a paquet pour toi à la bijouterie d'à côté. Merci. Je pourrai passer te voir après, si tu veux. Je fonce, je vole. Je suis chez le bijoutier, essoufflé. Oui, il y a paquet pour moi. Je ressors et l'ouvre. Fébrile. C'est un petit bracelet d'or. À l'intérieur, elle a fait graver, à toi, Isabelle. Je rentre. Aimée habite l'immeuble mitoyen au mien. Je monte. Je sonne. Isabelle est dans la salle de bain. De la baignoire débordant de mousse n'émerge que son petit visage fatigué, gros comme le poing. Je suffoque de tendresse. Je m'agenouille auprès d'elle. Merci, de rien. Je le porterai toute ma vie. Elle a un regard indéfinissable. Ce n'est plus de la haine, mais ce n'est plus l'amour. Petite fille, je ne sais plus lire en toi. Mes joues sont mouillées. Des larmes ont coulé, sans bruit, sans heurts. Jaillit de moi malgré moi. C'est une onde bienfaisante qui rafraîchit mes yeux douloureux. Nous ne parlons plus. Le silence est trop long. Trop lourd, je me lève. Bon, au revoir, au revoir. Ne pas l'effaroucher. Elle m'a donné quand même le cadeau qui m'était destiné. Lueur d'espoir au bout de ma nuit de cauchemar. Mais je crains d'attacher à ce geste une importance qu'il n'a peut-être pas. Aimé continue à jouer les émissaires. Isabelle part pour quelques jours à la campagne et demande que je lui prépare une valise de vêtements chauds. Avec qui part-elle? Avec l'autre? C'est ma hantise. Non. Seul, je te l'assure. Mais où? Avec qui? Chez qui? J'ai promis de le taire. Elle veut être seule et réfléchir. Elle ne veut pas risquer de te voir débarquer. Je remplis une valise, amoureusement. J'y mets les vêtements mais aussi des livres où je glisse quelques billets tendres. Très bref, et des médicaments. Elle est si fragile, un peu malade imaginaire aussi. J'ai une armoire pleine de remèdes à son usage. Tu sais si bien me soigner, me disait-elle. Avant toi, j'étais toujours malade. Petite fille un peu abandonnée. Petite fille qui avait enfin trouvé une maison, un foyer, une santé. Je me souviens, l'an dernier, lorsqu'on a cru qu'elle avait une hépatite virale. En attendant le résultat des analyses, ma crainte, mon inquiétude, mon désarroi. J'en étais tombée malade. Une de ces crises de dysenterie amibienne psychosomatique que je traîne depuis mon pays des rizières. À chaque angoisse cette désertion de mon corps qui me trahit malgré moi. Révoltée, exaspérée par cet inéluctable que ma raison ne peut contrôler. Au lieu de la soigner, de la dorloter, j'étais donc à mon tour couchée près d'elle, vidée de mes forces, incapable de tenir debout. Tout juste bonne à lui caresser doucement la main. Le résultat négatif de ses analyses m'avait miraculeusement guéri. Elle en avait gardé un souvenir attendri, comme tu m'aimes. Tu as été malade de peur de me voir malade. Quelle preuve plus grande pourrais-tu me donner, puisque celle-là ne dépend vraiment pas de ta volonté, mais de ton inconscient. Maintenant, j'écris sur les boîtes, pour tes angines, pour ta tête, pour masser ton dos. Pour tes maux d'estomac, le grand sorcier aimerait bien y adjoindre un élixir d'amour. La mère poule voudrait bien connaître la recette de la potion magique qui ramènerait le poussin sous son aile vide. Râper quelques herbes du maquis corse, quelques feuilles d'olivier grec, un rien de goyave du Brésil et de mangue d'Afrique noire. Faites chauffer au soleil de ces étés que nous avons poursuivis aux quatre coins du monde. Délayez avec la rosée de nos amours, avec les larmes de nos querelles amoureuses, avec la moiteur de nos corps enlacés. Ajoutez un crin fauve du chien Victor, un cheveu noir ébène d'Isabelle, un cheveu gris que vous trouverez sans mal sous les teintures des lulas. Laissez reposer dans un appartement douillet, dans une chambre résonnante encore des cris de la passion. Glissez en une pincée dans cette nourriture qu'elle prendra loin de moi. Que lui donne-t-on à manger? Elle n'aime pas la viande saignante. Elle déteste le lait et ne supporte pas le poisson. Elle mange très salé, très... Très. Est-ce qu'on le sait? Est-ce qu'on les a prévenus? Attention. Ne la laissez pas trop boire. Elle boit trop pour son âge. Elle a 23 ans. C'est une enfant. Trop souvent du 4. Elle est repartie, ivre, et moi ivre de rage de la savoir ivre. Trop souvent, ces matins-là où je la traînais de force jusqu'à la voiture, tout le long du trajet elle me disait des choses stupides, méchantes, cherchant à me blesser, à me faire perdre mon sang-froid, un jeu dangereux. Elle s'amusait quand je me mettais à hurler, à bout de nerfs et de fatigue, qu'elle était stupide, que sans moi elle ne serait qu'une poutre, que j'allais la jeter hors de la voiture, hors de ma vie. Combien de fois ai-je eu envie, vraiment, dans mes rages aveugles, de donner le long des quais de brusques coups de volant qui nous précipiteraient dans la Seine. Béni soit mon solide instinct de conservation. Oh oui, attention, ne la laissez pas boire. C'est un oiseau fragile, une petite fille à l'enfance triste. Et j'ai été son premier vrai foyer, et j'ai été son amante et sa maîtresse, son mari, son père, sa mère, sa sœur, son amie. Mais qui sont ces inconnus dans la maison desquels elle s'est réfugiée? J'interroge Sam. Tu penses que je suis le dernier qu'on mettrait dans la confidence? On sait trop que je suis ton allié. Dominique et ta femme sont à pierre longue, n'est-ce pas? Oui. Depuis Noël. Tu ne crois pas qu'elle les a rejointes? Plus j'y songe, faisant le tour de nos amis, et plus je pense qu'elle doit être avec Dominique et Rachel, la femme de Sam. Je suis rassurée. Elle est en territoire ami. Ces deux-là ne la monteront pas contre moi. Peut-être même réussiront-elles à la persuader que, je les imagine, se promenant dans la colline où nous ramassons des châtaignes et du bois mort. Elles sont à la veillée, autour du feu crépitant. Isabelle est peut-être assise sur le lit. Peut-être se rappelle-t-elle des hivers où nous le rapprochions des flammes pour que nos corps n'eût plus chaud. Peut-être se souvient-elle de nos baisers, nos caresses, nos ombres vacillantes sur les murs chaulés de blanc, quand je lui disais combien elle était désirable, et belle, et chaude et dorée comme la croûte d'un pain sortant du fournil. Et les pommes de terre sous la cendre? C'est moi la championne incontestée. Dominique et Rachel doivent les carboniser ou les lui servir à moitié cru. Elle adore ça. Elle les écrase avec du beurre et de la crème, minutieusement, longuement. Elle s'élabore une véritable purée qui ne ressemble plus du tout à des pommes sous la cendre car elle les a méticuleusement débarrassées de leur peau craquante et délicieuse. Mais si c'est cela qu'elle aime, Rachel, sensée, logique, doit lui dire de sa voix calme et posée. Pense ce que tu veux des Lula, mais elle a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Un grand mannequin. Et ça, tu ne pourras jamais le lui reprocher. Dominique doit ajouter. Et Lula est comme ça. Elle prend, elle laisse. Moi aussi, elle m'a aimé, il y a 15 ans, et puis elle m'a laissé pour un autre amour, une nouvelle flamme. Je ne l'ai pas détesté pour autant. Et toi, elle t'aime toujours. Isabelle doit secouer la tête. Elle s'est moquée de moi pendant des mois. C'est Alice qu'elle voulait. Ce n'est pas vrai, elle n'a pas de peine. C'est seulement son orgueil qui est blessé parce que pour la première fois de sa vie elle a voulu quelque chose et qu'elle ne l'a pas eu. Elle a perdu et elle ne me le pardonnera jamais. Et moi non plus. Je ne peux plus lui pardonner son égoïsme, sa dureté, sa cruauté, son hypocrisie des derniers mois. Parfois j'imagine Isabelle plus triste que révoltée. Oui, vous avez raison. Elle a besoin d'une leçon. Je vais la laisser mariner encore un peu et puis je rentrerai à la maison. Qu'elle se rende compte si oui ou non elle tient à moi. Si oui ou non c'est moi qu'elle aime. Et alors, si je reviens, je vous assure qu'elle aura intérêt à être différente. À redevenir comme elle était avant l'histoire d'Alice. Je rêve. J'invente, j'imagine. Je suis dans la salle des détenus. J'attends le verdict du jury. J'ai peur. J'espère. Revenez, revenez. Dites-moi si je suis libre de me jeter dans ses bras ou si c'est le bannissement, la relégation. Le soleil est-il devenu noir? Mais je n'en peux plus d'attendre, d'avoir chaud et froid, de trembler d'angoisse et d'espoir. Revenez, je vous en prie. 4. Ce fut le bannissement. Le soir du réveillon de fin d'année, une fois passés les 12 coups de minuit, Sam s'approcha de moi dans le bruit de la fête. Tu sais, il faut que je te l'annonce puisque personne n'ose te l'apprendre. Alice a pris un appartement avec Isabelle. Ah bon, à quand la crémaillère? Au retour d'Isabelle, je suppose. Alors c'est fini. C'est bien fini. Les lettres que je lui ai fait parvenir par aimer n'ont servi à rien. Isabelle a pris ses distances pour réfléchir mais elle a choisi Alice. Elle a choisi l'aventure contre la sécurité, la jeunesse contre le crépuscule, la vengeance contre le pardon. Ma petite fille ne reviendra pas à la maison. Dans sa chambre, ses 1000 animaux de peluche vont se couvrir de poussière. Dans ses placards, ses robes du soir diaphanes, scandaleuses, provocantes, qui lui vont si bien, ses jeans insensés, ces salopettes et ces t-shirts que nous ramenions de Londres ou de Rio, ces franfreluches, ces bijoux de pacotille qui la font reine de mes nuits, ces sacs, ces turbans, ces foulards, tous ces trésors amassés en 4 ans de collection de mode et de photos, toute cette caverne d'Ali Baba, tout cela va disparaître, je n'ose plus ouvrir un battant d'armoire, un tiroir, son odeur, l'odeur de son parfum, de ses cheveux, de sa peau me saute au visage, m'agresse le cœur et le corps. Isabelle va habiter avec Alice, aimée, toujours elle, mais dans quel camp est-elle cette fois-ci? Laure a trouvé un appartement dans son immeuble, côté cour, de la fenêtre de ma cuisine, je plonge sur leurs deux pièces, et moi je ne vis plus que dans ma cuisine, clouée à la fenêtre, tapis dans l'ombre à les regarder, tandis qu'elles s'étreignent, mangent, vivent en pleine lumière, impudiques, provocantes, tous tort relevés et sans rideau. Elle joue pour moi seule, à bureau ouvert, je reste des heures, le front collé à la vitre, les mains crispées sur la poignée de la fenêtre, des barreaux, je voudrais des barreaux pour m'y agripper, faire blanchir mes phalanges à force de les serrer, prisonnier.